Psaume 144. Psaume de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui dispose mes mains au combat et mes doigts à la bataille, qui déploie sa bonté envers moi, qui est ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier. Je me suis retiré vers lui, il range mon peuple sous moi. Ô Éternel, qu'est-ce que de l'homme, que tu aies soin de lui, du fils de l'homme mortel, que tu en tiennes compte? L'homme est semblable à la vanité, ses jours sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux, et descends, touche les montagnes, et qu'elles fument. Lance l'éclair, et les dissipe, décoche tes flèches, et les mets en déroute. Étends tes mains d'en haut, sauve-moi, et me délivre des gros sceaux, de la main des enfants de l'étranger. La bouche desquels profère mensonge, et dans la droite est une droite trompeuse. Ô Dieu, je te chanterai un nouveau cantique, je te psalmodierai sur la musette, et avec l'instrument à 10 cordes. C'est lui qui envoie la délivrance au roi, et qui délivre de l'épée dangereuse David, son serviteur. Retire-moi et me délivre de la main des enfants de l'étranger, dont la bouche profère mensonge, et dont la droite est une droite trompeuse. Afin que nos fils soient comme de jeunes plantes, croissant en leur jeunesse, et nos filles comme des pierres angulaires taillées pour l'ornement d'un palais. Que nos celliers soient pleines, fournissant toute espèce de provision, que nos troupeaux multiplient par milliers, même par 10 milliers dans nos rues. Que nos bœufs soient chargés de graisse, qu'il n'y ait ni brèche, ni sortie dans nos murailles, ni cri dans nos places. Oh, que bienheureux est le peuple auquel il en est ainsi. Oh, que bienheureux est le peuple duquel l'Éternel est le Dieu.